Écoute-moi, reprit Tullo. Peux-tu me loger dans une chambre de domestique, sous les toits, pendant quelques jours? Je suis sans un liard, sans espérance, sans pain, sans pension, sans femme, sans enfant, sans asile, sans honneur, sans courage, sans amis, et pique cela, sous le coup des lettres de change. Pauvre vieux, c'est bien des sangs, es-tu aussi sans culotte? Tu ris, je suis perdu, s'écria le baron. Je comptais cependant sur toi, comme Gourville sur Ninon. C'est, m'a-t-on dit, demanda Josepha, une femme du monde qui t'a mis dans cet état-là. Les farceuses s'entendent mieux que nous à la plumaison du dinde. Oh, te voilà comme une carcasse abandonnée par les corbeaux. On voit le jour à travers. Le temps presse. Josepha! Entre, mon vieux, je suis seule, et les gens ne te connaissent pas. Renvoie ta voiture. Es-tu à le payer? Oui, dit le baron, en descendant appuyé sur le bras de Josepha. Tu passeras, si tu veux, pour mon père, dit la cantatrice, prise de pitié. Elle fit asseoir Hulot dans le magnifique salon où il l'avait vu la dernière fois.